Tu es parti, c'est comme une mort, comme un proche qu'on enterre et qui laisse un bout de vide dans mon cœur, que plus rien ne comblera.